Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand adviendra l'événement, nul ne pourra en repousser la survenue. Il ravalera les uns et élèvera les autres. Quand la terre sera ébranlée d'un fort ébranlement, que les montagnes seront entièrement pulvérisées et seront alors poussières dispersées. Vous vous diviserez alors en trois groupes. D'abord, les gens de la dextre. Mais que sont les gens de la dextre? Puis, les gens de la senestre. Mais que sont les gens de la senestre? Enfin, les précurseurs vers la foi et l'accomplissement des œuvres pies ici-bas. Seront les précurseurs vers les récompenses de l'au-delà. Ceux-là seront les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices. Nombre seront choisis parmi les générations premières, et peu seront choisis parmi les générations qui ont suivi. Ils se reposeront sur des lits incrustés d'or et seront accoudés face à face. Parmi eux circuleront des jeunes serviteurs faits éternels, portant des coupes, des brocs et un verre rempli d'un vin coulant d'une source intarissable, qui ne leur donnera pas le moindre mal de tête, ni ne les fera divaguer. Et il y aura aussi des fruits à leur goût, la chair de volaille dont ils auront envie, et des houris aux grands yeux noirs, tels des perles, soigneusement conservées dans leurs coquillages. Voilà la récompense de leurs œuvres ici-bas. Ils n'y entendront ni discours futiles, ni propos injurieux, mais seulement paix, paix, salam, salam. Les gens de la dextre, mais que sont les gens de la dextre? Ceux-là seront parmi des lotus sans épines et des fleurs d'acacia bellement disposées, sous des ombres qui s'étendent, auprès d'une eau coulant sans cesse, et des fruits à profusion, ni introuvables, ni défendus. Et il y aura pour eux des lits élevés. Nous les avons véritablement créés d'une création nouvelle, et nous en avons fait des vierges éternelles, pleines de tendresse, et toutes du même âge, à l'intention des gens de la dextre. Nombre seront choisis parmi les générations premières, et nombre seront choisis parmi les générations qui ont suivi. Quant aux gens de la senestre, mais que sont les gens de la senestre? Ils seront au sein même du souffle infernal et baigneront dans l'eau bouillante, dans l'ombre d'une fumée épaisse et noire, ni fraîche, ni clémente. Avant cela, ils étaient dans l'opulence et s'obstinaient dans le comble du péché. Ils disaient, « Une fois que nous serons morts, réduits en poussière et ossements, serons-nous vraiment ressuscités? Et les premiers de nos ancêtres aussi. » Dit, « Les premiers et les derniers seront tous réunis pour le rendez-vous d'un jour déjà connu. Puis vous, les égarés, les négateurs, vous mangerez certainement de l'arbre de Zakoum, et vos ventres en seront pleins. » Puis vous ingurgiterez en plus une eau bouillante, dont vous boirez goulûment, ainsi que des chameaux qui meurent de soif. Tel sera le repas d'arrivée au jour de la rétribution. Nous vous avons créé, pourquoi ne croirez-vous donc pas à votre résurrection? M'avez-vous considéré ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez, ou est-ce nous le Créateur? C'est nous qui avons décrété la mort parmi vous, et personne ne nous précédera. Pour vous remplacer par d'autres comme vous, ni pour vous recréer en ce que vous ne sauriez connaître. Vous avez pourtant connu la première création. Que n'y réfléchissez-vous pas? Ne voyez-vous pas ce que vous labourez? Est-ce vous qui en semez les graines, ou est-ce nous le semeur? Si nous voulions, nous en ferions un amas de débris, et vous n'en croiriez pas vos yeux. Nous voilà criblés de dettes, ou nous voilà plutôt ruinés. Ne voyez-vous pas l'eau dont vous buvez? Est-ce vous qui la faites descendre des nuages, ou est-ce nous qui le faisons? Si nous voulions, nous en ferions une eau saumâtre. Que n'êtes-vous donc reconnaissant? Ne voyez-vous pas le feu que vous allumez? Est-ce vous qui avez créé l'arbre qui permet de l'allumer? Ou est-ce nous, le Créateur? Nous avons fait du feu un rappel et un élément au service des hommes. Rends donc gloire au nom de ton Seigneur, le Très Grand. Non, j'en jure par les positions des étoiles. Et voilà le plus solennel des serments, si vous saviez que c'est certain Coran noble en un livre protégé et que ne touche que les purifiés. C'est là une révélation du Seigneur de l'univers. Est-ce donc à ce discours-là que vous refusez de croire? Serait-ce là votre manière de reconnaître les bienfaits que de tenir le Coran pour un mensonge? Lorsqu'avant d'être rendu, l'âme remonte jusqu'à la gorge, alors que vous êtes là à regarder, et que nous sommes plus proches du mourant que vous ne l'êtes, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi donc, si vous n'avez pas vraiment à payer pour vos œuvres, ne la faites-vous pas revenir si vous êtes sincère dans vos dires? Si le défunt est du nombre des privilégiés, il y aura alors pour lui repos, grâce et jardin des délices. Et s'il est du nombre des gens de la dextre, alors paix à toi, lui sera-t-il dit. Ô toi qui fais partie des gens de la dextre. Et s'il est du nombre des négateurs fourvoyés, il sera l'hôte de l'enfer, où il sera abreuvé d'eau bouillante et où il brûlera dans la fournaise. Telle est la véritable certitude. Rends donc gloire au nom de ton Seigneur, le Très Grand.